Enfin, le baron, une fois lancé dans ce chemin, ôta son gilet de peau, son corset, il se débarrassa de toutes ses bricoles. Le ventre tomba, l'obésité se déclara, le chêne devint une tour, et la pesanteur des mouvements fut d'autant plus effrayante que le baron vieillissait prodigieusement en jouant le rôle de Louis XII. Les sourcils restèrent noirs et rappelèrent vaguement le bel Hulot, comme dans quelques pans de murs féodaux un léger détail de sculpture demeure, pour faire apercevoir ce que fut le château dans son beau temps. Cette discordance rendait le regard, vif et jeune encore, d'autant plus singulier dans ce visage bistré que, là où pendant si longtemps fleurirent des tons de chair à la Rubens, on voyait par certaines meurtrissures et dans le sillon tendu de la ride les efforts d'une passion en rébellion avec la nature. Hulot fut alors une de ces belles ruines humaines où la virilité ressort par des espèces de buissons aux oreilles, au nez, aux doigts, en produisant l'effet des mousses poussées sur les monuments presque éternels de l'Empire romain.